il est midi. Soyez les bienvenus, il est midi sur Fudgette, la radio locale nancéenne pour des bandes de Lorrains. Lorrain et autres, parce que je suis sûr qu'on nous écoute de très loin sur internet, c'est possible sur fudgette.net, c'est pas plus compliqué. Impro Station, bien sûr, semaine spéciale, semaine de l'impro, une grosse programmation avec que des improvisateurs, entre autres, mais on fait pas que ça. C'est un très bon moment à vivre un peu partout dans Nancy. Aujourd'hui, on accueille avec nous Jimmy. Ça va, Jimmy ? Ça va, et toi ? Alors, Jimmy, mais ça va, oui, ça va bien. On court un peu, hein. C'est toujours comme ça la semaine de l'impro. En ce mercredi 4 mai, vous avez eu depuis deux jours, bien sûr, Impro Station spéciale semaine de l'impro de midi à 13h. Aujourd'hui, Jimmy, tu es avec nous. Tu fais partie de l'organisation, on peut le dire. Oui, je suis adhérent à l'asso SDI Nancy, Impro Nancy, pardon. Ouais. Et il y a beaucoup de choses, beaucoup de d'événements, de spectacles. On vous en a déjà fait part et on va vous parler encore du programme de la fin de la semaine puisque ça dure jusque samedi. Alors par exemple Jimmy, ce soir tu peux nous faire part du programme de ce soir à la Foucotte. Et oui, ce soir ça va être musical. Il va y avoir la comédie musicale improvisée à 20h. Je vous le conseille, ça a l'air... Ça a l'air musical, en tout cas. Et ensuite, à 21h30, la Fight fait aussi un concert improvisé. Alors, il faut le préciser, effectivement, la comédie musicale improvisée nous vient de Lausanne. Hein. Ce sont des Suisses qui nous proposent effectivement ce concept. Ça dure 90 minutes. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a deux soirées en une, voire même presque trois, hein, puisqu'il y a un premier spectacle amateur, un autre à 21h30, et après, il y a toujours un peu un after, surtout que ce soir, ça va être sans doute after musical. Oh oui, probablement. C'est le bon moment si vous avez envie d'entendre de la musique et voir de l'impro. Voilà, c'est ça. Alors effectivement, il faut le préciser aussi, suite à ce concept suisse à 20h à 21h30, donc c'est le concert improvisé proposé par La Fight pour son concert exceptionnel et décalé. La Fight invite les plus grands talents de la chanson improvisée. Hein, ça passera par le blues, le rock, le reggae. La chanson française. Il y aura vraiment un peu de tout. Et aussi, c'est l'occasion de mélanger entre guillemets tous ces improvisateurs qui viennent de Nancy, et d'ailleurs parce qu'il y a, on a déjà eu des gens qui nous viennent de loin, hein, cette semaine. Oui. On a eu un Fabio, je crois qu'il est parti, Fabio Maccioni, l'italien. Je sais pas s'il est parti, je crois que oui. Hier soir, Christel Delbrouck, hein, la belge qui est aussi partie ce matin, on aurait bien aimé l'avoir dans l'émission aujourd'hui, mais bon, voilà. Et puis on a d'autres personnes qui nous viennent d'assez loin. Sergio Paris aussi, entre autres. Enfin voilà, donc bien sûr aussi les stages. D'ailleurs, donc aujourd'hui, le stage du jour est destiné justement à l'impro musical. C'est ça. Donc voilà. Alors bien sûr aussi, on va vous faire part de tout ce qui arrive dans les prochains jours. Donc ce soir, on lisait spécial impro musical. Demain, tu peux nous faire part de la programmation demain, jeudi. Alors, demain, 5 mai. Après-midi, c'est le grand tournoi des ados. Alors, c'est des collégiens qui viennent faire des matchs d'impro. Ça va être une spéciale match hein, demain, puisque ça, c'est toute l'après-midi, 14h, 18h, grand tournoi des ados. Des collégiens s'affrontent à travers des matchs d'impro avec une belle petite patinoire. Oui. Et à 20h, c'est la finale de la Stein Cup. Ah, la stand-up. Est-ce que tu peux nous dire deux mots de ce tournoi, puisque c'est un tournoi? Oui, c'est un tournoi qui se fait tous les ans. Là, c'est la finale, justement. Ça, c'est toutes les troupes du coin, Nancy, Metz, qui viennent s'affronter pour obtenir la stand-up, pour être le gagnant de l'année, pour être plus ou moins les meilleurs improvisateurs du coin. Oui, c'est, même si ça reste avant tout c'est toujours bon enfant, un prétexte à jouer, effectivement. Hein, ça reste, voilà, et donc cette année, la finale, le bordel de Metz. Le bordel de Metz et les Peps. Ah, les Peps. Ça te dit quelque chose, les Peps? Tu connais? Je connais plus ou moins, ouais. J'en ai entendu parler. Bon. Oui, effectivement, puisque c'est l'équipe avec laquelle tu as commencé. D'ailleurs, toi, tu as commencé quand l'impro? Parce que vraiment, tout le monde peut s'y essayer. Oui, tu as commencé quand, toi, par exemple? J'en suis à ma troisième année d'impro. Je suis encore un petit bébé. Tu commences quand même déjà à marcher un petit peu. Hein. Oui, je fais mes premiers pas, c'est vrai. Ça fait 3 ans et les PEPS, on s'est créé il y a 2 ans pour justement cette fameuse Stan Cup. Oui, effectivement, hein, c'est ce groupe qui est né. D'ailleurs, une belle entente. Et puis après, vous êtes très vite lancé dans effectivement le, oh, ben, le. On allait voir la Stan Cup et on s'est dit pourquoi pas nous. Pourquoi pas nous. Et depuis, vous l'avez. Troisième participation. C'est la deuxième. C'est la deuxième participation. L'an dernier, vous étiez bien placé. On était en demi-finale aussi. Voilà. Et là, cette année, en finale. Et on était en finale l'année dernière aussi. Voilà, d'ailleurs. Bah, oui, direct pardon. Comme ça, bim bam boum, et voilà. Donc ça, c'est le match. Le match là, c'est quand du coup? C'est demain soir à 20h à la Foucotte. À 20h à la Foucotte. Voilà. Très bien. C'est ça. Ben avec grand plaisir. On sait qui arbitre ? Je ne sais même pas. Moi. Je crois que c'est Cédric Lacroute. Ah, Cédric Lacroute. Ça va valoir le détour. Ça va être un arbitrage expérimental, comme souvent. On le salue, Cédric. Il nous manque un peu. Il vient. Il est assez occupé, cet homme-là. Et j'espère qu'on le reverra bientôt ou qu'on l'entendra bientôt dans Improstation. Oui, tu voulais nous faire part d'autre chose. Bah, il n'y aura pas que la finale de la Stan Cup. Ah bah oui, voilà. À 21h30, il y a The Party. À 23h, il y a Historia Minima. Mais qu'est-ce que c'est? Mais voilà, c'est ça. Parce que tu... Mais alors, qu'est-ce que c'est donc? Est-ce que tu sais au moins nous dire ce que c'est? Alors, c'est Christophe Le Chevillier à 21h30 qui fait The Party. Ouais. C'est une soirée conçue comme une tragédie, nous dit-on. Il va y avoir des histoires croisées, il va y avoir de l'amour, il va y avoir des promesses tenues ou pas, il va y avoir des rancunes. Ça va être une soirée, comment on va dire ? Il va y avoir 10 comédiens, oui, qui ont travaillé sur des ateliers, oui, et qui vont venir essayer ce qu'ils ont travaillé pendant les stages cette semaine. Très bien. Autant que ça va ça, parce que c'est aussi un laboratoire. Hein. Oui, voilà. Tout à fait. Les stages, sais-tu s'il reste de la place en parlant de stages? Je ne suis pas sûr. Ça vaut le coup de vérifier, mais j'ai l'impression qu'ils sont tous complets. Ah oui? J'ai l'impression. Alors quasiment, mais de toute façon, on peut toujours s'enseigner. Oui. Vous avez les coordonnées d'ailleurs sur le site internet. Improfestival.com, voilà. Ou Facebook. Vous tapez Semaine de l'impro. Bah oui. Sur improfestival.com, vous allez voir tout de suite s'il reste des stages disponibles ou non. Ah oui, et bien sûr, ça se passe un peu partout. On parle aussi de la Foucotte, mais aussi à la Plantation, on en reparle tout à l'heure, puisque ce soir aussi, cabaret impro à 18h. Oui, ce soir, cabaret d'impro, il y a 5 ou 6 troupes, enfin un membre de chaque troupe qui vient jouter un peu de 18h à 19h. C'est non, ça. Ce soir, c'est jam, oh là là. C'est jam ce aussi. Soir, c'est jam session. Ouais, donc, ouais, ouais. Donc tout le monde peut jouer, c'est tout ça. Tout le monde peut jouer, vous venez vous inscrire et pendant 1 heure, tout le monde peut venir improviser, même si vous n'avez jamais fait d'impro. On m'a demandé hier, hein, c'est une question très pragmatique, mais comment je fais si je suis à la Plantation pour être à l'heure au spectacle de 20h à la Foucotte? C'est de 18h à 19h, donc... Ah oui, d'accord, donc c'est pas jusqu'à 20h, donc on a largement le temps de se déplacer. Oui, on est à côté. D'accord, ok, bah parfait. Voilà, mais c'est rassurant, c'est vrai que c'est pas trop loin, c'est pas trop loin. Je te propose de faire une petite pause pour nous et pour vous, de vous mettre en exergue avec de l'impro, avec des improvisations qu'on a enregistré le 21 avril avec justement l'équipe organisatrice de ce festival. Et on se retrouve juste après, bien sûr, pour parler d'impro et aussi un petit peu de musique, bien évidemment. Donc voilà, c'est la première impro. Rappelez-vous, c'était le 21 avril dernier. Messieurs, dames, aujourd'hui, je vends tout. Je vends tout. Alors, si vous voyez quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas. C'est à moitié prix. Monsieur, vous voulez acheter quelque chose? Oh bah écoutez, oui, moi, je suis en vacances, là. On est avec ma femme. On s'est dit, bah tiens, pourquoi pas. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous faites de rêver? Pour votre femme, j'ai ce magnifique collier de perles. Oh. Voilà. Oh, t'as vu, chérie? Oh, superbe. Oh, mais magnifique. On dirait le collier de ma grand-mère. Sabrina, tu vas t'enlever. Si tu te l'enlèves, tu enlèves ton collier, on a trouvé un vendeur. Quoi, je crie? Et alors? Et alors? Oui, mais on vous entend bien, monsieur, il n'y a pas de problème. Regarde, on voit dedans. Regarde cette perle, on dirait qu'il y a des gens minuscules dedans. Mais tu as raison. Mais monsieur, c'est quoi ce secret Pourquoi vous faites ça? On voit des gens dedans, mais... C'est toute ma famille, bah voilà, c'est parce que je vends les bijoux de famille, donc forcément, bah, dans mes bijoux, il y a de la famille, voilà. Vous avez toute votre famille dans vos bijoux? Alors ça, c'est Stanislas, par exemple, le grand-père, là, qui vous fait coucou. C'est sympa, il... Mais du coup, on récupère votre famille si on achète le collier? Ah oui, j'ai dit, hein, je vends tout, il ne doit plus rien rester, voilà. Vous, arrête de pleurer, Sabrina, arrête, de toute façon, il tenait pas vraiment à ce collier. Mais je le prends, voilà, regarde, tiens, regarde. Je te l'accroche autour du cou et regarde, ça y rentre même dans ta peau, mais dis donc, mec. C'est quand même un peu bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Mais non, chérie, tu... Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Oh, c'est Stanislas. Je vous avais dit... C'est grand-père. Ce collier est incroyable, n'est-ce pas, hein? Bah c'est incroyable. Mais ne pleure pas, Sabrina, hein? Oui, c'est ton grand-père, et alors? Et alors, je t'ai dit qu'on vendrait tout, et bah tant pis, aujourd'hui on vend ton grand-père. On part ensemble, c'est ça? Je vais chez vous. Mais qu'avez-vous fait de ma femme, mais Stanislas? Mais rendez-moi ma femme. Vous n'y perdrez pas au change. Je peux vous le dire. Il fait des petits plats. Il a une petite moussaka. Vous m'en direz des nouvelles. Vous n'auriez pas une bague avec votre grand-mère? J'ai des dents, si vous voulez. J'ai des dents en or. Sabrina, viens par là. Ouvre la bouche, Sabrina. Arrête de pleurer, Sabrina. Voilà, tenez, bah voilà, regardez, c'est une magnifique molaire en or. Mais écoutez, merci. Oh, mon chéri. Michel, c'est toi. Oh, je te retrouve enfin. Oh, Michel. Oh, mon Stanislas. Voilà, voyez, aujourd'hui, on vous voit même du romantisme. Hein, et ça, c'est gratuit. Ça, c'est gratuit, le romantisme. Prenez, c'est en bonus. Tu m'as tellement manqué. Toi aussi, mon cœur. Je t'aime toujours. Oh, moi aussi, je t'aime, si tu savais. Arrête de chialer, Sabrina. Arrête de chialer, c'est que du romantisme. Et voilà, c'était donc une appréciation du 21 avril dernier. Vous avez reconnu Yann, Marie, entre autres. Fabien aussi, je crois, était là. Donc voilà, alors Jimmy, on parle de la programmation de cette belle semaine de l'impro qui est pas de tout repos quand même, oui. Hein. Ça commence à fatiguer, d'ailleurs tu vois là on n'est pas trop nombreux à cette heure-ci, vivement la fin de la semaine parce que je crois que certains commencent à avoir du mal. C'est ça, et demain tu me demandais si Sergio Paris était encore là, et oui, est encore là parce qu'il fait un atelier pendant 2 jours et que demain à 23h, eh ben, Historia Minima, les stagiaires de ces ateliers viennent et... jouent ce qu'ils ont appris pendant 2 jours. Bah oui, oui. C'est ça, c'est bien aussi, c'est de pouvoir mettre en application ce qu'on apprend. Et donc ça c'est super intéressant en immersion, travailler en immersion, parce que souvent on fait des ateliers d'impro, mais là sur une journée on engrange beaucoup, bien sûr, c'est aussi assez, ça demande beaucoup d'implication, oui. Mais on s'immerge, hein, donc en immersion on apprend encore autrement, et après en plus quand on peut dans un travail de groupe aussi, donc ça crée un collectif, hein, donc une ambiance dans un collectif, une cohésion. Et après une cohésion, voilà, et après jouer ensemble, donc ça c'est intéressant. Tu as fait des stages toi-même? Oui, hier j'ai fait celui de Christelle Delbrouck. Et alors tiens, et qu'est-ce qu'il en ressort? C'était très fort, c'était sur le sentiment, sur les regards, surtout sur beaucoup sur les débuts d'impro. C'était intéressant. Je digère encore ce que j'ai appris. Ah bon, c'est vrai? Ouais, d'accord. Oui, parce qu'effectivement, c'est aussi parfois le fait de se remettre en question, parce qu'on, même en impro, même si tout est possible, on a tendance à avoir des, un peu, comme en radio d'ailleurs, des peut-être des habitudes dont on se rend plus compte, et c'est aussi bien de se remettre en question. De se remettre un peu en question, effectivement. Mmh. Alors, tiens, je te propose, tu avais autre chose à me faire part tout de suite, là, ou on peut mettre un petit morceau musical? On peut mettre un petit morceau musical. Alors, écoute, je te propose cela. Et il nous a quittés il n'y a pas longtemps. Tu sais de qui je parle? Prince. Oui, Prince. Et je te propose ça. Si ça marche. D'accord, ça ne marche pas. Je me suis fait avoir, je vais essayer de le passer ici, mais je vais y arriver quand même, regarde, je vais essayer. Il est où? Il est là. Allez, Il est là. Non, il est pas là. Voilà, ça c'est un jingle. C'est pas ça que je voulais. On va y arriver. Regarde. Ah oui, mais bien sûr, parce que je suis en automatique. Regarde, je vais te mettre ça. De toute façon, on est entre nous, hein, tout va bien. Tu improvises. J'improvise comme souvent. C'est encore ce que je fais le mieux. C'est pas que je le. Oh, bah, il veut pas me le mettre. Bon, bah alors on veut pas. Si, oui, j'aimerais bien quand même du Prince. Alors on va y arriver. Aussi. Hein, toi aussi. Alors, et pourquoi il veut pas? Voilà. Vous êtes bien en direct, hein, c'est normal, tout va bien. Ça va bien se passer. Regardez. Il est. Non, c'est Lady Gaga, ça. Il est où? Mais il veut pas me mettre mon Prince. Pourquoi ne veux-tu pas le Prince? En attendant que tu. Oui, dis-moi. Cherche, oui, bah, je précise vas-y. Quand même que pour ce soir, la comédie musicale, ce qui est cool, c'est que le public débarque et peut donner des thèmes. Donc, si vous avez envie d'entendre des chansons en particulier, des thèmes dans certaines chansons, venez, vous allez pouvoir entendre ce que vous avez envie d'entendre. C'est quoi, tu dis? Que quoi? Pour que. Si public, ouais. Un public veut, si tu veux entendre des chansons en particulier, avec des thèmes en particulier, c'est le soir. Si... Ah bah oui, oui, oui. Oui, parce voilà, qu'on voilà. Peut chanter aussi sur vos thèmes, et c'est ça, bien sûr, aussi. Le. Vous allez peut-être entendre ça. Non, non, je pense pas du tout. Tout sera improvisé ce soir. Allez, on l'a trouvé, Prince, avec Kiss. Kiss. Voilà. On y est. Jimmy en pas loin entre. Non, je dirais pas en transe, mais pas loin. T'aimais bien. Hein ouais. J'adore. Ouais. Alors oui, on parlait comme ça pendant ce temps-là du théâtre de la Foucotte. C'est là que ça se passe et avec tout ce potentiel de ce théâtre, là, on se rend bien compte qu'il est quand même un grand bateau avec effectivement un petit coup de frais à remettre, mais. Mais potentiellement, au niveau scénique et au niveau... Oui, la chapelle, par exemple, c'est un endroit chargé d'émotions. C'est vraiment intéressant. J'espère qu'on reverra de beaux jours pour ce théâtre-là. Tu nous disais, à venir encore pour la fin de la semaine, qu'est-ce qui nous reste encore ? Ah, vendredi, l'incroyable grenier de l'oncle Scott, joué par le Chantal. C'est conseillé d'apporter un objet. Et ouais. ils vont improviser un spectacle autour du grenier, de l'incroyable oncle Scott. Ils doivent vider le grenier de cet oncle mystérieux et apparemment plein de surprises. Les Chantal, c'est qui d'ailleurs ? On peut citer nous ? Le Chantal, oui, c'est une troupe nancéenne. Je peux citer Bertrand et Thomas. Oui, c'est la base peut-être. C'est la base. Après, c'est souvent des invités. C'est souvent des invités. Ouais, bah, c'est bien ça. C'est sympa aussi de pouvoir... inviter effectivement d'autres improvisateurs, parce que c'est quand même ça le principe, c'est de pouvoir jouer avec tout le monde, et c'est ça qui est bien. Autre chose ? Eh bien, il y a des improvisateurs de Brest, à 21h30 demain, Frank Buzz, il fait de l'impro Lightbox. Mais je ne connais pas encore Frank Buzz. Frank Buzz, il vient de Brest. C'est un très ancien, on va dire, de la libido de Brest. Et c'est aussi quelqu'un d'expérience. Il fait de l'impro depuis toujours, je pense. Alors apparemment, demain, il joue avec la lumière et l'impro. C'est ça, d'accord. Donc, d'où Impro Lightbox. Voilà. D'accord. Ça, c'est demain... À 21h30. Jeudi, hein Non. Ah non, ah ça oui, c'est vendredi. Non, c'est vendredi, c'est même vendredi. Pas demain. On commence un peu. Oui. Donc c'est ça. Oui, c'est vendredi. Vendredi soir. Voilà. Non, c'est pas grave, on a bien compris parce que demain c'était. J'ai déjà oublié demain. En plus, il y a des montagnes. Demain, choses. C'est Christophe Le Chevillier. Oui, c'est ça. Voilà, voilà. Et l'after show de Sergio Paris. Voilà. Et donc vendredi, c'est ça. On a Frank Buzz à 21h30 après les Chantal. Après Chantal. Et à 23h aussi, vendredi, qu'est-ce qu'il y a ? Bah, toujours Christophe Le Chevillier. La restitution de stage, justement, à 23h. Très bien, très bien. Et on se garde samedi pour après ? Ouais. Samedi 7, parce que c'est là que ça se termine, le samedi 7, parce que dimanche, il faut ranger. samedi 7, on verra ça juste après. Après, une deuxième improvisation du 21 avril. Et on se retrouve juste après, effectivement, avec Jimmy. Merci. Non, c'est pas ça que je veux. Oui, voilà, en plus, c'est vrai. En plus, c'est plus qu'une radio. Ça pue. Je sais pas, il y a un truc qui pue là. Je sais pas, je sens plus rien. Moi, j'ai mes allergies qui me reprennent et je sens rien du tout. Mais quelle idée. Mais pourquoi t'as voulu partir en week-end à la campagne ? Parce que c'est chouette la campagne. Mais d'où c'est chouette ? Il y a des oiseaux qui chantent, il y a le soleil, il y a les arbres. On entend les animaux, c'est cool. Ah, super. Ah ben alors on va s'asseoir là et on va écouter les animaux. Ah, super. Je suis contente que tu en sois enthousiaste comme et ça. Et il passe quand le serveur pour boire une bière ? T'as une rivière un peu plus loin, si tu veux. Tu peux boire de l'eau. De l'eau ? Est-ce que j'ai une gueule à boire de l'eau ? C'est naturel, l'eau. C'est naturel. Mais regarde cette eau, elle est marron. Hein ? Moi, je bois pas dans une eau marron. Hein ? Je sais pas quoi te dire. Ah, ça y est, j'en ai bu. J'ai des aftes plein la bouche là. Monsieur là, qu'est-ce que vous faites là ? Vous venez de chier dans la rivière, c'est ça ? Exactement, tout à fait. Voilà, c'est chez moi, c'est tout. Qu'est-ce que vous faites chez moi, vous ? Eh ben, j'attrape des aftes. C'est vrai que vous avez la bouche qui purule maintenant, oui, tout à fait. Non, mais ça gonfle, ça empire. Mais vous avez bu. Ne me dites pas que vous avez bu de l'eau quand même. Bah, si. Est-ce qu'on pouvait boire d'autre ? Mais pas là. Plus que boire, ça peut même dire que j'ai mangé de l'eau là. Mais c'est les cabinets là. Oh mon. Bah alors, mais non. Qu'est-ce que j'ai fait comme. Mais alors. Mais vous voulez sa mort, c'est ça en fait? Vous êtes venu pour l'assassiner, en fait, c'est ça? Non, pas du tout. Moi, il avait soif, je lui ai juste dit de boire de l'eau parce qu'on n'avait rien d'autre. Il avait soif, regardez sa tête maintenant, regardez. Chérie, voilà. Je me sens pas bien. Respire tranquillement. Écoutez, j'ai certainement un remède, il y a une plante. Venez avec moi parce que moi je suis allergique à cette plante-là, je ne peux pas la prendre. Donc venez, regardez. C'est celle-là? Regardez, celle-là, voilà. Regardez. Prenez. Voilà. Et je dois faire quoi avec? Et vous lui mettez dans la bouche. Voilà. Bon, il doit la manger. Ouvre grand. Voilà. Ouvre grand. Allez, mâche maintenant tranquillement. C'est bon? C'est des orties. Oui, tout à fait, c'est ça, mais c'est des blanches. Ça pique un peu quand même. C'est ça, mais bon. Est-ce que tu sens encore tes aftes? Je sens plus rien. C'est une réussite, merci monsieur. Je sens plus rien. Tu vois, les gens à la campagne, ils connaissent la vie. Exactement. Ils ont une solution pour tout. Ça vous fait 10 000 euros. 10 000 euros, bien sûr. Vous prenez la carte bleue? Ah ben c'est soit vous donnez l'argent, soit je vous garde vous pour toute la vie. Chérie, on n'a pas 10 000 euros, peut-être qu'il peut te garder. Voilà, et monsieur, vous pouvez partir tranquille et revenir quand vous voulez, bien sûr. Vous pouvez lui rendre visite, il n'y a pas de problème. Vous savez quoi, je me sens beaucoup mieux d'un coup. Là, vous sentez... vous voyez? L'air de la campagne, ça va. Je vais aller boire une bière à la ville, du coup. Tu m'écriras des cartes postales? Mais oui, bien sûr. C'est toi l'adresse ici? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Adieu, chérie. À bientôt. Mais vous n'avez pas compris? Vous n'avez pas compris que de toute façon, il ne vous aimait pas? Vous n'avez pas vu ça? Moi, je l'ai vu tout de suite dans ses yeux. Ah bon? Mais bien sûr. Mais regarde, un regard comme ça. Je suis peintre aussi, madame. Je peux vous peindre. Mais bien sûr. Regardez, venez, regardez, entrez chez moi. Regardez. Waouh. J'ai peint toute cette nature, exactement, regardez. Je l'ai vu, je vous suis depuis longtemps, depuis que vous êtes entré dans ma propriété. Et j'ai bien vu qu'il n'aimait pas être en votre compagnie. J'ai bien vu les efforts que vous faites, les beaux efforts. Et vous méritez mieux, madame. Vous croyez vraiment? Vous méritez une vraie vie de déesse. Vous me proposez ça? Parce qu'à la campagne, eh bien, il y a aussi des déesses. Et c'est pas parce qu'on n'est pas dans un château qu'on peut pas vivre comme une reine. Vous écoutez Fadjet. Et vous êtes dans Improv Station en direct avec Jimmy. Ça va, Jimmy? Ça va toujours. Alors oui, on est sur la programmation, bien sûr, dans le cadre de cette semaine de l'improvisation sur Nancy, à Nancy et dans Nancy un peu partout. On était sur la programmation de samedi, oui, pour cette fin de semaine. Le dernier jour. Oui. Le dernier jour à 16h, il y a les parvenus qui viennent nous jouer à Persona. Ils viennent de Paris. Et c'est une grande pièce improvisée, bien sûr, où un hôte reçoit des invités. Et ils vont jouer sur les masques sociaux que le public choisira. Chacun aura un masque social. Et ils devront, en utilisant les contraintes de leurs masques sociaux... ils devront nous faire vivre ces personnages qu'ils vont créer en direct. Ils vont nous faire faire des allers-retours entre le passé, le présent, peut-être le futur, qui sait. Oui, et donc ça, c'est à 16h. C'est à 16h. Et à 17h30 c'est du Harold, le fameux concept de Del Close. C'est ça, qui nous vient des États-Unis. C'est un grand... C'est comme un freeform. On part d'une impulsion du public et là, après, on peut varier. Ça peut être des impros de quelques secondes, des impros de quelques minutes, selon l'inspiration. Puis ça peut même aller encore plus loin, 20, 20, 30, 40 minutes. C'est ça. Tout ça à partir de l'impulsion première. Voilà, et c'est parti. C'est vraiment intéressant puisque ça laisse vraiment beaucoup de liberté par rapport à un match d'impro qui est quelque chose un concept très cadré. Oui. Là, c'est vraiment... on prend ce qu'il y a. Ce qu'il y a là sur le moment. Et c'est ça qui est bien. On ne se pose pas de questions, on part sur ça. Et c'est intéressant pour aller vraiment plus loin. C'est du spectacle vivant, du coup. Oui, complètement. C'est vrai. Et ça, c'est à 17h30, suivi à 20h. À 20h, le grand relais. Alors là, le grand relais, c'est 4 heures d'improvisation non-stop, mais bien sûr, les improvisateurs vont se relayer. Ça, on ne sait pas ce que ça va être, hein. On n'a rien préparé, c'est de l'improvisation, mais... Alors après, ça part quand même de deux équipes, c'est ça, de... Deux équipes qui s'affrontent lors d'un match d'anthologie. Non, ça, oui, ah, non, c'est pas... c'est, non, oui. Les deux équipes, c'est des matchs. On a commencé par des matchs. Ah, ça d'accord. Se finit justement avec, ça, avec le plus d'improvisateurs possible. Ah oui, d'accord. Donc ça va finir vraiment. Voilà. Qui vont se succéder au fur et à mesure, prendre le relais de l'impro à chaque fois. Une grande dernière soirée, quoi. Une grande messe des improvisateurs, là, où un maximum d'improvisateurs va pouvoir jouer. C'est ça, sur scène? Oui. Ils seront tous sur scène, en fait. C'est un grand marathon, ils ne seront pas tous en même temps sur scène, ils vont faire des équipes, 4, 5, 6 personnes, et hop, relais, 4, 5, 6 personnes reviennent et continuent l'impro. Ah ouais, d'accord. Ok, ah oui, donc oui, il y aura du monde sur scène, mais aussi autour. Et on compte sur vous aussi, public, hein, pour vous quand même venir voir, faire en sorte qu'il y ait du monde dans cette salle. Mais là, par rapport à une jam, là, ce n'est pas ouvert à tout le monde. Bah, et aussi, c'est vrai qu'on en profite, la jam qui a encore lieu, donc il y en a encore une demain, les jams. Alors, ce soir, c'est une jam session à la Planta de 18h à 19h. Oui, voilà. Demain, c'est des invités qui viennent jouer, d'accord. Bordel, donc, TNTB, Improvisé, etc. Donc, évidemment, ça, il faut en profiter aussi. La jam, il faut en profiter, c'est ouvert à tous. Oui, et ça, on n'a pas précisé. À tout le monde. Quelqu'un qui n'a jamais fait d'impro peut venir essayer. Et il sera encadré de façon par des improvisateurs. Bien sûr, le MC est là pour l'aider, les improvisateurs sont là pour les porter. Si vous avez envie de tenter, venez ce soir de 18h à 19h ou vendredi aussi, et venez, tentez votre chance, voyez. Et puis de toute façon, c'est vraiment ouvert, pas de jugement, hein, c'est vraiment, on se fait plaisir. Voilà, c'est bon enfant, comme tu dis. Très bien, très bien. Eh bien, effectivement, il est déjà à 12h30. On vous souhaite aussi un bon appétit pour ceux qui sont attablés. Pour, effectivement, un petit peu ce point sur la semaine de l'impro, en direct pour ceux qui nous rejoignent, on vous fait part, bien sûr, de la programmation. Si vous n'avez pas tout entendu, de toute façon, vous trouvez toutes les infos sur improfestival.com ou sur la page Facebook Semaine de l'impro. Voilà. Oui. Et bien sûr aussi, on le précise aussi pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe un peu partout, mais surtout au Théâtre de la Foucotte, 3 rue de la Foucotte bien sûr, le bar La Plantation en 6 rue Poincaré, ça c'est à peu près tous les jours. Les tarifs, La Plantation c'est gratuit. Oui. Et sinon, à la Foucotte, c'est 10 euros la soirée. Oui, c'est 10 euros la soirée. Demain après-midi, c'est 5 euros pour les matchs ados. Oui. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Match ado, d'ailleurs, on salue nos ados de Pichon, hein, qui vont jouer pour la première fois. Ils sont un peu stressés. Stéphanie, qui va les coacher. Donc, là aussi, venez soutenir ces jeunes qui se lancent aussi, qui ont souvent plein de peps et plein d'idées. Oui, hein. Et plein de surprises. Moi, je suis impatient d'aller les voir parce que, justement, c'est plein de rebondissements, c'est plein d'énergie. Ça va être très divertissant. Et puis on peut aussi, ça faut le dire, on peut aussi un petit peu s'alimenter, hein, aussi pendant ces grandes soirées d'impro. Bien sûr, on peut manger des glaces. Oui, et puis vous proposez aussi des belles, d'ailleurs, j'ai vu des belles planches, j'ai toujours pas essayé, mais des belles planches, charcuterie de fromage. Oui, charcuterie de fromage, juste de fromage pour les végétariens. Voilà, on a de quoi faire. Tout à fait. Allez, on retrouve de la musique. Et je vous propose de voir un morceau qu'on n'a pas entendu depuis longtemps. Encore faut-il que je sache comment ça s'écrit. Je cherche. Vous voyez, hein, comme on le dit, tout est en direct. C'est ça qui est bien aussi. Allez, on va vous trouver ça. Est-ce que je l'ai trouvé? Non, je ne l'ai pas. J'aimerais bien. Likili, tu te rappelles de ça? Non, tu te rappelles? Ouais, ça te... Bon, bah, je cherche, mais après, si je trouve pas, on va pas non plus s'énerver sur ça. Sinon, tu vas nous chanter une chanson. Hein. Oui, non, bien sûr que non. Je vais, comment dire, vous éviter cela. On va, tiens, avant, on a entendu de la chanson anglaise ou américaine, Prince ? Américain, mais complètement américain, mais bien sûr. Et là, on va repasser un petit peu de chansons françaises. Allez, on y va. Et on va vous proposer. Viens avec nous, Romain. Salut, Romain. Hello, Romain. Bonjour, ça va bien? Salut. Ouais, ça va. Bah, installe-toi, hein, fais comme à la maison, hein, c'est ça, voilà, là, donc là en direct. Écoutez, je me suis dit, je vais passer quand même. Bah oui, oui, mais bien sûr, bien sûr. Tu as quel micro, le jaune, voilà. Ouais, le jaune. Ça va, Romain ? Ça va super, ouais. Comment ça se passe, la semaine de l'impro ? Eh ben écoute, ça se passe super bien. Je suis allé voir les spectacles hier, c'était une tuerie atomique. C'est... Ouais. Ouais. Ah bah, tu nous en reparles bah, tout à l'heure et tu nous dis ce que t'en penses parce qu'on est là, tranquillement entre nous. Allez, et puis on, bah, du coup, on y va. On va vous proposer du coup de la chanson française, comme je disais, et même de la chanson très locale. Et on est parti. On va vous mettre. Hop, j'y suis. Ah ouais, non, mais en même temps, je cherche vraiment en même temps. Hein, je suis vraiment. Voilà. Alors, j'allais proposer la chanson Ben Lorraine, mi-short en anglais. Donc, je vais quand même vous prendre un morceau en français. Allez, ça vient. On y est. Ça part. La Chaff Project. Allez, Fred W. C'est parti. J'y suis. J'ai tranché. C'est parti. C'est un morceau court. On y va. Hier, en mettant mes chaussures, je pense à ma femme. Quelle drôle d'idée. Entre elle et moi, ça tient, ça dure. C'est du costaud, comme mes souliers. Moi, j'aime bien la Caterpillar. C'est fait pour durer et résister. Le mieux, si tu veux pas d'histoire, c'est de vérifier que t'es bien chaussé. Bien dans ses chaussures, c'est l'amour qui dure dans des petits souliers. La sandale ou des spadrilles pour prendre un peu l'air, respirer. Des pompes à deux balles, je me méfie, ça tient pas le coup. Sur la durée. Les godasses, c'est pas les chaussons, faut voir à pas tout mélanger. Il suffit pas d'être bien au fond, faut du solide et bien lacé. Bien dans ses chaussures, c'est l'amour qui dure dans des petits souliers. Mon refrain, ma femme est toujours mal chaussée. Je vais balancer ses escarpins par précaution, on sait jamais. Je vais lui payer une paire de grolles dans le genre trekking, grande randonnée. C'est sûr, c'est pas très rock'n'roll, mais faut savoir se préserver. Bien dans ses chaussures, c'est l'amour qui dure. Chaussures, je pense à ta femme. Quelle drôle d'idée. Fred W, les chaussures, artiste lorrain local nancéen, on le salue. Alors, donc nous a rejoint juste à l'instant, monsieur Romain, ça va ? Ouais. Alors toi, tu arrives comme ça en cours d'émission ? Ah bah écoute, je sors du travail. Ah bah ah oui. Bah, donc je me suis dépêché bien. En plus. Mais c'est bien, mais c'est gentil. Alors toi, tu étais présent hier soir pour la soirée de ce mardi. Ouais. Et tu as vu Christelle Delbrouck ? J'ai vu Grève de comptoir. Ouais. Alors déjà, Grève de comptoir, c'était super bien. Oui. Bravo. Merci. Non, c'était super cool, c'était la première fois que je voyais et franchement, c'était... Ah bon, c'est la première fois que tu voyais ? Première fois, ouais. C'était d'accord. Vraiment très bien. Alors ça, c'est vraiment le genre de concept où effectivement où il y a, enfin c'est ça, il y a un décor, il y a des costumes et après on Moi, j'aime encore traiter l'actualité un peu et la décaler. Et hier soir, on est vraiment passé dans une histoire entre des personnages. Ouais, hein, mais du coup, ça fonctionnait quand même super bien. Ouais. Bah, après, j'ai jamais vu les autres fois, donc voilà, j'ai pas d'élément de comparaison, mais c'était très bien. Moi, j'ai bien aimé. Bon, bah, c'est personnage était intéressant, c'était bien. C'est sympa. Et tu as quand même fini en slip sur scène, oui, rappelons-le. C'est vrai. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Ouais, incroyable. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais c'était très bien. C'était logique. C'était très marrant, très bien. C'était logique, mais bon, voilà. Et encore, normalement, en toute logique, j'aurais dû tout enlever. Bah, mais oui, parce que oui, dans voilà. La logique, oui. Mais je l'ai pas fait. C'est vrai. Je me suis dit, voilà. Ouais. Bon. Et donc après, Christelle Delbrouck, la bruxelloise. Subjuguée, j'étais. Oui. Par quoi ? Par, je sais pas, elle a une présence incroyable. Elle a un visage très, très expressif. Ouais. Et puis, les improvisations qu'elle propose, enfin, les écritures, c'est incroyable. C'est-à-dire que je suis passé du rire et j'ai même. Une petite larme à un moment pour une de ses improvisations qui était vraiment très touchante sur un SDF, j'ai trouvé ça magnifique. Son spectacle était vraiment vraiment très bien, je conseille à tout le monde. Oui, c'est. Je sais pas si on aura l'occasion de revoir ça prochainement, mais j'espère, ouais. Parce que c'était vraiment très bien. C'est vrai que ça fait un moment qu'on souhaitait qu'elle puisse venir à la semaine de l'impro, elle est enfin venue et c'est vrai que ça valait le coup. Hein. C'est Christelle Delbrouck qui est donc une improvisatrice belge qu'on connaît depuis assez longtemps, hein, qui a fait les 225 heures à Strasbourg, qui arrive à jouer avec rien et juste avec ce qu'elle est en toute. Ouais. Elle écrit en direct des petits sketchs, quoi. C'est incroyable. Ouais, avec son acolyte à la technique qui propose des lumières ou des sons. Et puis des phrases, des situations, qu'elle a été pêchée dans la rue, donc ça c'est. Ouais. C'est sympa. Très intéressant. Et puis après, il y avait Joyeuse Funérailles, je crois que c'est ça le nom. Oui. Alors l'idée, c'était d'avoir un personnage qu'on a. Donc il y avait 5 improvisateurs. Le public a choisi un de ces improvisateurs qui était, là en l'occurrence, Julie, que j'ai découvert. Julie Galibert. Voilà, Galibert, c'est voilà, ça. Voilà, une ancienne improvisatrice aussi, enfin une ancienne, jeune, mais expérimentée, qui nous vient à la base de Paris, qui a commencé dans le troupe des Yvelines, donc la Lydie, et qu'on connaît aussi quand on elle jouait à l'époque. Elle fait de l'humour, non elle, elle fait de l'humour maintenant, mais elle a commencé avec l'impro. C'est là que j'ai déjà vu, bien sûr, je connaissais son visage. Mais... Et donc, qui a été choisie par le public, voilà, et qui, en fait, était morte. C'était ça son rôle, c'était son enterrement, donc tout le public venait assister à l'enterrement de cette jeune fille et les autres improvisateurs, donc les 4 autres improvisateurs, venaient et raconter un petit peu des anecdotes qu'ils avaient vécues avec Louise, donc le personnage de Louise. Et en fait, une fois qu'ils avaient annoncé cette anecdote, ils la jouaient en direct sur scène. Et après, s'en sont suivis des improvisations qui s'entremêlaient, où on a commencé à vraiment écrire, voir son histoire, quoi, cette jeune fille. Et c'était très très. C'était apparemment la première fois qu'il jouait ce concept-là et c'était super cool. Oui. Ouais. C'était bien. C'était... Et en plus, dans le contexte, dans le cadre. De la chapelle, de là. De la chapelle, qu'on a découvert aussi. Moi, j'étais étonné du potentiel de ce lieu. Donc voilà. Donc elle a aussi 3 spectacles en une soirée pour ceux. Et 3 bons spectacles. Bon. Très bons spectacles, même, je dirais. Ah bah, c'est déjà ça. Et. Alors, c'est toujours un peu. Même si effectivement, sur le papier, des fois, on peut s'attendre... L'improvisation reste quelque chose de très subjectif aussi dans le ressenti et on peut aimer ou pas, mais c'est bien l'adage de l'impro, c'est de dire il faut venir voir parce qu'on ne sait jamais. Exactement. Et parfois, on est surpris. Après, moi, je suis très bon public, donc c'est peut-être que ça aide. Je rigole très facilement, très fort, j'adore ça. mais oui, je pense que c'est important de savoir voir de l'impro avant d'en faire. Je pense que c'est important d'être public d'impro et de pouvoir apprécier n'importe quel style. On avait hier soir une spectatrice et le mec qui me dit ah bah je suis venu avec une amie et elle m'a dit oh bah la pièce de théâtre je sais pas trop. Elle me dit et elle lui a dit mais c'est de l'impro. Elle me dit ah oui, parce qu'elle pensait que c'était une pièce écrite. Ouais, mais on aurait pu croire vraiment au niveau de grève de comptoir que c'était complètement écrit. Enfin, ça aurait pu faire une pièce écrite, quoi. Non, c'était vraiment bien. Mais dès que tu sais que l'impro, là tu dis, ah ouais, effectivement. Oui. C'est pour ça que des fois, effectivement, il y a des petites choses, il y a des petite subtilité. Ouais, il manque parfois un petit peu de rythme, chose, mais ça, c'est propre à ça, propre à la pro. Et même nous, quand on se met, même si on sait, moi, jusqu'au dernier moment, j'ai choisi le personnage à la dernière seconde, parce qu'habituellement, j'ai un personnage, j'aime bien faire le belge, moi, tu vois, j'aime bien. Et on m'a dit, oh, bah non. Alors, du coup, j'ai choisi autre chose, mais je ne savais même pas ce que je jouais en fin de compte. Mais c'est pas grave, c'est pas ça, parce que de toute façon, on va se nourrir de ce que les autres nous proposent. Et c'est comme ça que ça marche, puisqu'on va s'intéresser à l'autre personnage. Et même à 4 encore, et ça aussi, ça vous le savez, mais les peps, des fois, quand vous jouez entre vous à la plantation, ou parfois, on se retrouve d'un coup nombreux sur scène, c'est là que c'est le plus dur. Oui. Et pourtant, on développe ses capacités, ses aptitudes à pouvoir suivre tout ce qui se passe. Et c'est ce que je disais sur le spectacle de Christelle Delbrouck, justement, qui est une magnifique performance, absolument. Moi, j'ai trouvé que c'est vraiment incroyable. Mais c'est vrai qu'être tout seul sur scène, on a l'impression, finalement, que c'est quelque chose de très, très difficile. Mais on peut se poser la question de savoir si c'est peut-être pas plus simple d'être tout seul et de pouvoir proposer une histoire du début à la fin tout seul plutôt que d'avoir finalement la partager avec quelqu'un et finalement on doit composer aussi avec la personne qu'on a en face. Donc c'est, je pense qu'il y a aussi peut-être un truc comme ça. Selon moi, c'est pas du tout la même réflexion. Moi qui ai déjà fait c'est sûr. Du seul en scène, je préfère certainement jouer avec quelqu'un d'autre. Après là, c'est peut-être la bonne alternative entre le fait de jouer seul, mais de quand même d'utiliser et de jouer avec le public. Donc on joue, on n'est pas vraiment complètement seul. C'est vrai. Mais par contre, c'est vrai qu'on ne récite pas de texte établi. On joue, là c'est vraiment un mode de spectacle où on est avec le public, forcément. Et d'autant plus ce qui est fou, c'est qu'elle ne laisse rien passer. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans la salle, elle le prend en compte, elle l'intègre à son... Ça lui donne des impulsions, tout est impulsion. En fait, elle a un lâcher-prise qui est dingue. J'ai jamais vu ça. Enfin, moi, perso, j'ai jamais vu ça. Et c'était vraiment, vraiment très, très bien. Très, très bien. On vous souhaite de la... c'est vrai que là, on vous parle d'un spectacle passé. On vous souhaite de pouvoir la redécouvrir un jour à Nancy ou même si vous pouvez la voir dans différents festivals en France. On vous la conseille vraiment. Christelle Delbrouck. Une petite improvisation enregistrée le 21 avril. Et puis, on se retrouve un petit peu. On reparle bien sûr de la semaine de l'impro avant d'écouter tout à l'heure Woodkid. C'est ça que j'ai cherché, Iron. pour l'instant, allez, une petite improvisation qu'on a enregistrée le 21 avril avec l'équipe organisatrice de la semaine de l'impro. Merguez ou chipo? Oh, j'hésite. Merguez. Merguez, bien sûr. Allez, tiens. Hop, hop. Merci. De rien, tiens. Hein? Oh, ce qu'elle est bonne. C'est pas une bonne idée, ça? Oh là là. Je trouve que c'est la barbecue tango. Meilleur merguez que j'ai mangé de ma vie. Eh oui. Tu sens la sensualité. Ah. Tu sens le double sens. Ah, oui. Tu sens? Je l'ai bien senti, oui. Elle a choisi toi! Elle a choisi toi! Merguez! Oh la gauche! Non! Je te l'avais dit! Tu vois, on aurait parié, tu vois? Alors. Vas-y, à toi, vas-y! Arrête, la mienne, elle est végétarienne! Oh non! Comment ça? Je sais pas, je suis mal tombé. Mais comment tu fais alors? Tu proposes quoi? Je sais pas, attends, j'y retourne. Vas-y. Chérie. Mm-hmm. Oui. Oh, mais c'est un nouveau parfum que tu as. Oui, c'est le parfum de la merguez. Ce sont les épices, tout à fait. Évidemment. Mais ça te sied à vie. Merci. Tu sais, je suis un peu... Comment ça? Ça chauffe, peut-être avec... Oui, ça chauffe un peu, là, les épices de la merguez. Oui, dis donc, tu es fait de fouet. T'as pas un chou-fleur, une carotte ou un truc dans le genre? Écoute, il doit rester des carottes. Oui, vas-y, propose, je sais pas. Merci, une végétarienne. Sinon, t'imagines une végétarienne? Bon, j'y retourne. Des choux de Bruxelles, ça te... Oh, on verra bien, c'est pas grave. Je te sens un peu... Comment ça? Comment ça? Quoi? Sur... un peu distrait quand même. Distrait là, hein. Mais non, je suis avec toi. Je suis avec toi. Je sens cette chaleur ce... entre monter, tout ça, des ton corps, des... Oh là là. J'enlève mon gilet là parce que ça... Oh, oh là là, mon oh Dieu, là. C'est... Oh, mais on peut pas ouvrir la fenêtre. Oh là là, mon Dieu, c'est... On est dans le jardin pour le barbecue. C'est temps. Ah ben c'est pour ça, on peut pas. Ça sert à rien de ouvrir la fenêtre. On peut ouvrir la fenêtre, c'est surtout pour prendre dedans. Un petit tango, du coup. Un petit tango, vas-y. Pour Il est sain, ton corps. Aïe. Je crois que c'est complètement foiré. Moi, je rentre à la maison. Mais, hein. Oui, c'est ça, casse-toi, laisse tomber. J'ai proposé un concombre, elle a cru que c'était un message. Grave-le. Ouais, mais faut pas faire ça, attends, regarde. Regarde-moi, regarde. Oh, mais elle a enlevé son gilet, la tienne. Oui. Oh, la cochonne. Regarde, elle a les yeux fermés, je suis sûr. Hey, tu peux même prendre ma place, regarde, elle a les yeux fermés, attention, regarde, vas-y. Tiens, vas-y, toi, vas-y. Oh, elle est originale, ce pas de danse, dis donc. Oh, ça fait... Vous aimez la merguez? Oui. Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? Mais je venais vous proposer une merguez. Mais... Ah, mais c'est pas possible. Mais pourquoi t'as fait ça? Mais faut pas manquer de respect. Non, mais dis donc, mais... Aïe, mais non. Non, mais attends, c'est pas croyable, ça. Tiens, prends les choux de Bruxelles, amuse-toi avec. Merci. Et donc? Oui? Chipo, merguez. Allez, chipo pour changer. Oh, la cochon. Oui, voilà, c'est une appréciation du 21 avril dernier. C'était donc il n'y a pas longtemps pour cette appréciation spéciale programmation Semaine de l'impro. Et donc, on est toujours accompagné là avec Jimmy et Romain qui nous a rejoints. Oui. Hein, on parle toujours d'impro, même pendant l'impro, on parle d'impro, en fin de compte. On n'arrête jamais. On n'arrête jamais. C'est pas possible. Et alors, toi, Romain, juste entre nous, si on peut poser la question, mais toi qui fais les deux, tu as un two-man show hein, avec oui. Marine, et tu fais aussi de l'impro. Est-ce que entre nous, on peut décemment te demander si tu as une préférence? Alors, pour moi, ça n'a rien à voir. Oui, c'est ça. Voilà, c'est tout. Enfin... ça non, ça n'a rien à voir, en fait. C'est... T'aimes bien faire les deux. J'aime pas la même chose dans les deux. C'est clair, ça? Non, oui. Oui, si, c'est pas sûr, mais c'est complètement... pas la même chose que je cherche et que je trouve, finalement, dans les deux. Ouais. Voilà. Mais oui, j'adore les deux. Vraiment. Bien. C'est tout. Est-ce que ça te convient comme... Non, mais c'est bien. Je te vois un petit peu dubitatif, je ne sais pas trop comment... Ça ne se compare pas, en fait, compte. Non. C'est vraiment pas la même réflexion. C'est pas la même approche. Non, parce que même les impros, si tu fais un peu d'impro dans ton spectacle comique, c'est même pas le même style, le même impro, je trouve, que dans un spectacle d'impro. Ouais. Tout s'en mêle dans ma tête, je ne sais plus où j'en suis. C'est vrai que pour moi, c'est clair, parce que ça ne va pas solliciter en toi les mêmes compétences. Et puis, de toute façon, en impro, il y a une recherche du rire dans un spectacle comique, puisque c'est un spectacle comique qui, en impro, enfin, en théorie, t'as pas cette recherche. Enfin, moi, je l'ai pas forcément, cette recherche. C'est pas obligatoire. En spectacle d'impro. C'est pas obligatoire, vraiment. C'est pas obligatoire. Si, ouais. On l'a vu hier, d'ailleurs, dans une très belle scène qui n'était pas des scènes marrantes. Et ça fait plaisir parce que. Ouais. C'est trop rare. Et je pense que c'est peut-être ce qui fait que les gens peuvent être étonnés, les gens qui n'ont jamais vu d'impro peuvent être étonnés. Parce que je pense qu'un spectateur d'impro, enfin quelqu'un qui n'a jamais vu d'impro, va s'attendre à vraiment rigoler des trucs un peu plus du format cabaret, match, où c'est vachement des blagues, des vannes. Alors que des concepts et des styles d'impro comme on a vu hier, je pense que les gens ne viennent peut-être pas naturellement voir ça. C'est dommage, oui. Ce qu'ils devraient. Oui, parce qu'on ne sait pas forcément non plus. Oui. Mais c'est marrant aussi de se laisser faire. Et c'est l'occasion d'ailleurs de venir à la Semaine de l'impro et de se laisser faire à découvrir des nouveaux concepts. Comme par exemple ce soir, et c'est vrai que ce n'est pas trop souvent, ce soir, une soirée dédiée à la musique, aux improvisations chantées, aux comédies musicales et tout ça. Pas évident de se dire, faut peut-être découvrir, puisqu'on a quand même deux concepts ce soir autour de cela. Vous allez participer quelque part Ce soir, spectateur probablement. Ouais. Il y a plein de bons musiciens ce soir. Ouais. Et la comédie musicale, pour avoir fait plusieurs stages sur ce format-là, ça m'intéresse quand même de voir. ce que ça peut donner, enfin. En parlant de stage, tu en as fait, toi, cette semaine? Non, j'ai pas le temps. Et toi, Jimmy, alors, toi, t'as fait... J'ai fait celui de Christelle Delbrück. Voilà, c'est tout. La chance. Oui, la chance. Ah, bah, j'avoue. Les places se sont arrachées. Ouais, c'était. Mais tant mieux. C'est qu'effectivement, il y a. Après ce qu'on disait, après, il faut le digérer un peu. C'est ça qui est bien. Jimmy, est-ce qu'on a tout dit sur la programmation? Je crois qu'on a fait un bon tour dans cette heure-ci. N'hésitez pas à aller voir, aller écouter les impros ce soir. Oui. On le répète, bien sûr, une petite jam à 18h à la plantation. Alors, de 18h à 19h, oui, jam session, apéro impro, et ensuite, plouf, 20h, comédie musicale improvisée à la Foucotte, rue de la Foucotte, derrière la fac de lettres, si vous voulez situer l'endroit. Très bien, parfait. C'est très bien, tout est dit. Bien sûr, toutes les infos sur improfestival.com. Et bien sûr, venez nombreux et vous y verrez. Jimmy sera là, hein. Tu es toujours un petit peu là, toi. Oui, je suis toujours là. Et bon. Samedi, je suis à votre service. Parfait. À votre service, c'est-à-dire? Je vais aller soit derrière le bar ou en billetterie, d'accord. Je ne sais pas. Mais... Tu seras avec nous. Oui. Très bien. Jimmy, on te retrouve dans la prestation en fin de semaine, vendredi. Oui. D'accord. Et puis, nous, on vous souhaite bien sûr une belle journée d'improvisation et d'autres aussi. Improvisez vos soirées, venez. Ouais, c'est ça. C'est tout à fait. On vous laisse ici. Bien sûr, l'impro continue. En attendant un peu de musique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Woodkid avec Iron. Et on se retrouve très vite, à demain. Allez, salut, ciao, ciao. Ouais, j'ai pas dit au revoir à Romain. Salut Romain. À plus tard. À plus tard. À vendredi. Your face.